plonge juste pour mes que tu as pied. Une bouée t'empêchera de te noyer. Lance-toi alors comme un dauphin. Tu ne couleras pas, tu voleras comme un oiseau. Plonge, je te promets que tu as pied. Une bouée t'empêchera de te noyer. Profite bien de ce voyage, envole-toi loin de ce rivage, découvre plein de paysages. Et je partirai dans ma fusée, complètement inventée pour m'envoler dans l'espace. Plonge, je te promets que tu as pied. Une bouée t'empêchera de te noyer. La terre dans les étoiles, visite Mars et la Lune, les anneaux de Saturne, va voir Neptune. Au fin fond de la galaxie, et envole-toi. Plonge, je te promets que tu as pied. Une bouée t'empêchera de te noyer.